Chapitre 18e, messe de minuit. Tandis que ce 24 décembre, Bernard desservait le repas du soir, son maître lui confia. « Je ne sais pas trop ce que j'ai. Je ne me sens pas du tout bien. » Le domestique, qui se piquait volontiers d'être médecin à 16h, diagnostiqua. « Monsieur a sans doute pris froid. Un mauvais rhume de cerveau lui tombait sur la poitrine. Je vais toujours lui préparer une bonne infusion de bourrache, ou, ce qui vaut mieux, de sureau. » Car le sureau vous fait sortir toute l'eau qu'on a dans le corps. Ensuite, monsieur s'ira coucher. Demain, il n'y paraîtra plus. » Sa tisane, une fois absorbée, Delbon recommanda. « Eh bien, à présent, je m'en vais donc me reposer. Tu seras gentil de me laisser dormir jusqu'à demain midi. Je sens que j'ai surtout besoin de calme et de tranquillité. » Bernard s'inclina et conclut d'une de ses sentences habituelles. « Tranquillité égale santé. » Delbon se retira alors dans sa chambre et s'y enferma, mais il n'eut garde de se coucher. Tout au plus, s'allongea-t-il tout habillé sur son lit pour feuilleter distraitement un livre de la bibliothèque et méditer plus à son aise sur son projet extravagant. L'ingénieur s'était engagé à assister au réveillon aux côtés de Simon Alix. Il lui fallait bien apporter un tempérament nécessaire à ce dessein manifesté. En effet, quel prétexte plausible dénicherait-il pour se glisser à une fête où ne sont conviés que la famille et les intimes? Du moins pourrait-il témoigner à la jeune fille de ses scrupules à remplir ses engagements. Un train partait de Maubuisson assez à temps pour lui permettre d'être à Besançon à minuit. Il le prendrait et profiterait des dispositions de l'horaire pour être de retour le matin au château du Roi-Liquaire. Il se ferait voir de Simone au cours de la messe de minuit, lui prouverait qu'il ne craignait pas d'enfreindre, vraiment pour ses beaux yeux, la sotte clause du testament qui l'obligeait à demeurer attaché à sa vieille maison tel un crustacé au rivage. Il pensait bien, au demeurant, que personne d'autre ne s'apercevrait de cette escapade nocturne. Et puis, d'ailleurs, à présent, il se souciait fort peu du legs. Dans le silence de l'antique demeure, il entendit aller et venir les pas de Bernard, qui mettait de l'ordre dans la vaste cuisine. 9h sonnèrent, puis le quart, la demi, l'autre quart, et enfin 10h. Alors Delbon s'impatienta. Le timbre fêlé de l'horloge avait un accent ironique. Elle semblait proclamer « Non ». « Non, tu n'y arriveras pas. Non, non. » Mais il entendit que Bernard quittait la cuisine, gravissait l'escalier, montant en sa chambre. Delbon prêta longtemps l'oreille. Bernard ne s'aviserait-il pas de redescendre tout à coup? Décidément non. Rien ne vint troubler le silence complet. Une phalène voltigeait comme un espoir fou autour de l'ampoule électrique. L'ingénieur se prépara. Il ouvrit toute grande la fenêtre. Un chêne puissant étendait jusqu'au balcon ses noueuses branches. Il était facile d'emprunter pour descendre cette voie simienne. La nuit sans lune, presque sans étoiles, était d'un noir d'encre ou de poids. Heureusement que les alentours de la maison, les alentours immédiats du moins, commençaient d'être familiers à Henri. Il avança sans hésitation trop nombreuse, sans trop trébucher non plus dans les ténèbres, fort opaques, et enfin atteignit la gare. Ce fut avec une émotion d'adolescent, se rendant à son premier rendez-vous, qu'il se blottit dans un coin d'un compartiment de première. Le train n'allait pas assez vite à son gré et il lui semblait qu'il n'arriverait jamais à temps. À Besançon, il s'informa près d'un employé qui ramassait les billets du chemin de l'église Saint-Pierre. On la lui indiqua, elle n'était pas loin. Il y courut par les rues désertes et pénétra dans la nef. Il n'était certes pas en retard. L'église ne contenait encore qu'un petit nombre de fidèles. Le sacristain allumait seulement les cierges de l'autel. Soudain, les lampes électriques des nefs latérales étincelèrent. Un ronflement d'orgue préluda. Delbon se rapprocha du porche et s'accota au baptistère, d'où il pourrait dévisager facilement les survenants. On remuait des chaises, des toux se répondaient. Les fidèles commençaient d'affluer. D'abord, parurent des orphelines à mante noire, quelques pauvresses et de vieilles demoiselles dévotes, dont certaines portaient leurs chaufferettes. Puis ce fut la foule. Les coups sourds des portes, sans cesse repoussés, retentissaient dans les tambours. Et enfin, Patouit Dea, comme aurait dit M. Leclaude. L'ingénieur l'avait deviné avant de l'avoir aperçu. Perrette Limose la précédait. Un couple suivait, les parents de sa jeune et noiraude compagne. Hardiment, Delbon s'avança, offrit de l'eau bénite à Simone, songeant qu'il reprenait ainsi à son compte la scène de Faust. La jeune fille tressaillit. « Vous, ici, vous ?» murmura-t-elle. Il la suivit discrètement. Les sièges réservés aux limos s'alignaient au tout dernier rang de l'immense nef principale. Il vint se placer, en retrait légèrement, contre un pilier. Jamais il n'avait entendu messe avec un tel ravissement. Il convenait d'ailleurs du tour plutôt profane de ses pensées. La majesté avec laquelle Nativité se célèbre ajoutait sa solennité à la présence de Simone, qu'il se plaisait à figurer de blanc vêtu, voilé de tulle en petite nouvelle mariée. Alléluia! Alléluia! Il éprouvait un tendre orgueil à la distraire de l'office. Non pas qu'elle trahît son émoi par le moindre mouvement de tête, non. Elle devait se reprocher comme un péché sa distraction. Mais l'ingénieur avait la conviction presque absolue qu'elle mêlait à ses prières, telles de pures colombes, des songeries dont il n'était assurément pas exclu. Alléluia! Alléluia! Le cœur de Delmon vibrait comme une cloche. Qu'elle était donc jolie, main jointe, cils baissés, pour dérober l'expression de ses prunelles. Alléluia! Alléluia! La troisième messe dite, il la vit qu'il enveloppait d'un coup d'œil où il n'y avait pas de colère, mais une émotion heureuse. Il se hâta pour se trouver de nouveau près du bénitier. Quand elle passa, il lui tendit ses doigts humides de l'eau lustrale qu'elle effleura du bout des siens. À peine dehors, elle vint à lui, ainsi qu'il avait espéré, et lui dit, d'une voix très basse où vibrait comme une gratitude, « C'est fou ce que vous avez fait là pour moi. Vous avez risqué une partie de votre fortune. Savez-vous que j'en suis très fâché ?» Mais de ses prunelles humides, elle démentait formellement sa prétendue désapprobation. Quelle femme, même la plus vertueuse, n'est ravie quand un homme commet une sottise pour l'amour d'elle? Les limoses, un peu plus loin, s'étaient arrêtées, attendant que leur entretien prît fin. Simone leur présenta Henri. « Monsieur Delmont, ingénieur !» On échangea quelques paroles. La bise s'élevait, cinglante, les fidèles se dispersaient. À regret, Delmont prit congé. Il salua les trois limoses et serra la main de Simone. Il avait de la peine à la lâcher. Il eût voulu y communiquer par un frémissement de la sienne tout ce qu'il éprouvait de tendre, de profond et d'impétueux à la fois. « Et, ma foi, une légère pression, » répondit à l'aveu discret. Henri s'éloigna dans la nuit. Pourtant, avant de disparaître, il se retourna, constata que Simone, au même moment, s'était retournée elle aussi. Cette coïncidence lui fit l'effet d'un très heureux présage. Aussi, le quai noir et désert de la gare de Besançon ne lui parut-il pas désolé. Et il lui plut d'interpréter, de son coin de compartiment, le grondement des roues du convoi comme une ravissante berceuse à ses songeries les plus chères.